s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, bonjour la Suisse, la Belgique, l'Italie. Bonjour la technique, bonjour Marc, ça va bien? Bonjour Gilles, bien toi? Ça va, merci. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique jusqu'à 17h en direct. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine un artiste, Saïd Maïlet, qui va nous parler de son univers musical et de son album Renaissance. Avant de rejoindre mon invité, je voulais faire un petit coucou à mon amie Lynn, donc, et à Jante pour son anniversaire. Bien sûr, j'ai mis un petit mot à la bonne date, mais bon, je voulais lui faire un petit coucou, voilà, sur la radio, ça reste gravé. Je voulais dire aussi merci à toutes les personnes présentes dans nos studios pour nos samedis musicaux. Et tous les amis qui nous ont suivis sur le live Facebook. Un petit coucou particulier à Sylvie qui m'a écrit un beau poème. Alors, qui nous a écrit un beau poème. Alors, je dis, c'est bien quand même d'être chanteur romantique. Mais je vais vous le lire tout vite parce que ça ne concerne pas que moi, ça concerne aussi la radio. Alors, c'est pas long, hein, je vais vous le lire rapidement. Radio Gemozo, diffuse que du bonheur, enchante de mille mots. A touché notre cœur en invitant des artistes connus ou méconnus au parcours caricaturiste pour être reconnus. Avec d'excellents animateurs et notre ami Gilles, ses textes toujours enjôleurs, romantiques comme une île, avec mes encouragements et mon amitié sincère, tous mes compliments, dès mes émissions à nous plaire. Voilà, merci Sylvie. Alors, n'hésitez pas bien sûr à nous laisser des messages sur nos pages Facebook respectives, donc Radio Gemozo et Gilles Mougel officiel. Je transmettrai en direct à l'antenne à mon invité Saïd, que je retrouve maintenant. Bonjour Saïd. Bonjour. Comment tu vas Saïd? Je vais très bien, merci, je vais très bien. Ça va très bien, d'accord. Alors, dis-nous, tu es de quelle région? Saint-Astier, exactement. Ouais. Ça se situe dans quel coin à peu près En Dordogne. En Dordogne, Mais sinon, toute mon enfance, j'ai passé à Saint-Léon-sur-l'Île. On est originaire de Saint-Léon-sur-l'Île. D'accord. Quel temps fait-il chez toi? Eh bien, le temps est vraiment pas beau. Voilà, comme chez nous. Comme chez nous. C'est de la grisaille, hein, c'est du temps. Ah oui, oui. Voilà, c'est du temps à être, ben voilà, être ensemble comme ça. Hein, moi en studio et puis toi au téléphone. Voilà, ah, on va partager bien sûr de la musique. Allez, ensemble. Donc, j'écoute, bienvenue sur nos ondes et puis je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est c'est un plaisir, je dirais même que c'est un honneur pour moi de participer d'accord, d'accord, c'est gentil. Et puis je voulais aussi remercier notre amie commune, Dany Blondeau. Tout à fait. Hein, c'est Dany qui m'a aussi parlé de toi. Mm-hmm. Donc voilà, je pense que vous avez des projets en commun hein, pour la suite. Oui, oui, de gros projets, oui. D'accord, c'est très bien. Alors, je sais aussi que tu es l'oncle de Kenji. Oui, oui. Ouais. Bon, c'est pas pour ça que je t'ai invité, hein. Non, mais ça, je m'en doute. Je plaisante. Hein. Mais c'est vrai que depuis qu'il est star, c'est vrai qu'il y en a qui disent pas mal et j'entends souvent, mais c'est vrai que depuis qu'il est connu, c'est le cousin, c'est l'oncle, le neveu de tout le monde. Mais là, moi, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon neveu. Oui, c'est vraiment ton neveu, d'accord, ouais. Oui. Non, mais c'est très bien, c'est vrai que... voilà, donc, Saïd, alors... La chanson, la musique, ça vient à quel moment pour toi ? Oh ben moi, je dirais pas que je suis né en chantant, mais presque depuis tout petit, de ma naissance, depuis tout petit quoi. D'accord. Parce que je rappelle, bon, tu fais partie quand même, on va dire, des gens du voyage, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Hein, c'est bien ça. Hein. Et bon, en écoutant ton album là que l'on va découvrir. Renaissance, là, je trouve que bon, sur certaines musiques, on ressent un petit peu ce côté, je veux dire, rythmé, hein, je dirais un petit peu comme les Gypsy Kings, hein, on va dire. Hein, oui, oui. C'est bien ça, je me trompe pas. Non, c'est bien ça. Hein. Mais la chanson vient tardivement, je veux dire, ou. Enfin, tardivement. Non, j'avais 8 ans et grâce à mon papa, bon, et là ce n'est plus que ce monde aujourd'hui, oui, c'est lui qui m'a donné l'amour de la chanson et de la chanson, musique. Ouais. Ah ouais, j'avais 8 ans, il m'accompagnait à la guitare, et mon frère qui est décédé aussi, j'avais deux guitaristes, ils m'accompagnaient, puis j'étais petit, je chantais, ils me faisaient chanter un peu partout. C'est toujours un petit peu hein, nos parents qui nous transmettent voilà la musique, la chanson, hein, c'est vrai. On est bercé par ce qu'ils écoutent quoi. Tout à fait. Mon père, il avait ce bonheur de vivre, de prendre sa guitare, parce que c'est un très grand guitariste. Oui. Prendre sa guitare, aller dans des soirées, bien des fois même, il rentrait dans les restaurants, mais il avait toujours sa guitare avec lui, mais il ne pouvait pas s'empêcher de prendre sa guitare et faire plaisir aux gens. D'accord, ouais. Et je crois que ça, on le ressent dans une des chansons hein, de ton album, qu'on écoutera bien sûr tout à l'heure. Oui, tout à fait. Hein, c'est, voilà, cette chanson pour ton papa, donc je pense que c'est une chanson bien sûr autobiographique, hein, forcément. Mm-hmm. Hein, c'est ça, ouais. Hein, c'est bien ça, hein, ouais. Alors, si tu veux, Saïd, comme on a du temps en gris chez nous, chez toi, on va écouter une première chanson. Avec plaisir. Mais là, d'accord. On va écouter, si tu veux bien, Fille du Soleil, hein, pour nous donner du... ça va mettre du soleil, justement. Ouais, voilà. Et puis, tu nous en reparles après, d'accord ? Avec plaisir, y a merci, pas on écoute. La magie de ton corps m'a instruit en dehors. Il n'y en a pas de pareil aux filles du soleil. Je t'ai dit prends-moi la main, serre-moi simplement. Donne-moi de ton amour pour pouvoir aller plus loin. Oh mon amour, inutile des êtres, au point de ne plus pouvoir nous séparer. Parfois le jour, je suis à ma fenêtre et je te revois me souriant tout dans mes pensées. Bien que l'amour soit très loin du soleil où je suis né, quand t'adorer me rappelle l'endroit d'où je viens. Du soleil, avec tes cheveux longs sur ta peau dorée, fille du soleil, ton visage me poursuit, viens me retrouver. Du soleil, Saïd. Oui. Voilà, le soleil est revenu dans nos studios là. moi aussi, je suis là. C'est formidable. C'est bien ça. C'est. Alors voilà une chanson rythmée sur un rythme zouk, hein, je dirais, c'est bien ça. Oh oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Tout à fait. Alors, oui, pardon. Vas-y, Saïd. Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai chanté cette chanson-là, je l'ai écoutée. Cette chanson-là, c'était en 88. Oui. Et elle m'avait toujours plu, cette chanson-là, mais c'était vraiment un zouk love. Oui. Et moi, d'accord. Je l'ai repris en cette version-là. D'accord. Ah, ça, c'est bien, aussi, pour danser, hein, c'est vrai que... Ah oui, c'est très festif. C'est très festif, effectivement. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu es auteur, Saïd, aussi, j'ai lu sur ta bio, hein, c'est ça? Tu es auteur? Oui. Oui, ouais. Compositeur aussi, non? Auteur, compositeur, non, parce que j'aurais adoré jouer la guitare ou oui, chanter bien sûr. Ou autre, mais non, j'ai eu que... C'est pour ça, justement, quand mon papa m'a accompagné avec mon frère, j'ai jamais appris la guitare, parce que je savais que c'était mes guitaristes, quoi. Ah oui, bien sûr, ah oui, d'accord. Mais c'est dommage, non, quelque part, quand même, de ne pas avoir pu... Enfin, avoir pu jouer de la guitare, non? Ah, tout à fait, Ah, je pense, Oui. Très sincèrement, oui. Bien sûr, on ne souhaitait pas, bien sûr, à ton papa et à ton frère, voilà, que malheureusement, ça se passe comme ça. Ils auraient pu t'accompagner forcément dans la musique, quoi, je veux dire, mais c'est vrai que c'est dommage. Hein, de... Ah oui, vraiment dommage, oui. Ça, c'est sûr. Oui, oui. Parce que, je veux dire, hein, c'est vrai que, enfin, tous les gens du voyage, sont, beaucoup chantent, jouent de la guitare. Oui, oui. Ah, c'est vrai, hein. Ouais. C'est vrai, ouais. Mmh. Ben, moi, je suis comme toi, tu sais, je dirais, j'aurais toujours bien aimé aussi de jouer d'un instrument, mais je ne sais pas, je ne joue pas de guitare, rien du tout non plus. Ah, mais c'est vrai que la guitare ou le synthé, ça m'aurait toujours intéressé, et c'est vrai que chez les gitans, c'est pas question, parce qu'on est gitan, oui. On n'a jamais pris un cours de solfège, jamais, c'est directement à l'oreille. C'est à l'oreille, oui, c'est autodidacte, je dirais, ouais, tout à l'oreille, oui. Mmh. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais il est pas trop tard, Saïd. Non, il est jamais trop tard. Ah, il est jamais trop tard pour... Il n'est jamais trop tard. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mm-hmm. Alors, cet album Renaissance, c'est un premier album, Saïd, ou il y a eu d'autres choses déjà de fait? Non, c'est un premier album. C'est un premier album. Il y avait très longtemps déjà, j'avais envie de le faire. Oui. Et comme il y a des chansons que j'ai reprises, des chansons qui ont été mondialement connues, oui, très connues d'ailleurs. Oui, très connues, oui, bien sûr. Mm-hmm. Et que j'ai voulu moi les remettre au goût du jour pour justement faire connaître à ceux qui ne les ont pas connus et remettre avec des styles musicales, de musique de nos jours. Et c'est pour ça que d'ailleurs moi, vu que j'étais resté très longtemps sans rechanter, je faisais partie de l'orchestre pendant 12 ans. Oui. Et j'étais resté très longtemps sans rechanter, comme j'ai repris le chant. C'est pour ça que j'appelais cet album-là Renaissance des chansons. Et Renaissance de moi-même, voilà. D'accord, ok. Ouais, ok, je comprends bien, ouais. Et on l'entendra de toute façon dans les autres chansons, hein, des chansons qui sont bien connues, hein, et puis bon, où tu les as repris avec un petit peu plus de rythme, on va dire, hein. Un peu plus de rythme, hein, c'est vrai que ça change, et ça fait découvrir, bien sûr, aux gens qui ne connaissaient pas non plus ces années-là, parce que bon, il y a des chansons des années 80, si je ne dis pas de bêtises, hein, dedans, quelques-unes, et c'est vrai ça leur permet de peut-être de découvrir, hein, ce registre, cet univers. Tout à fait, il y en a même une qui date de 76 dedans. 76, alors 76, je suis en train de regarder la playlist, je me dis laquelle qui est, alors je ne sais pas, est-ce que c'est Juliana, non, de Claude Michel? Tout à fait. Ah, oh, je suis bon. Tout à fait, c'est ça, exact. Je dis toujours, ouais, c'est ça, Claude Michel, je connais Juliana, une belle chanson, là. Ah ouais, très belle chanson. Je l'ai programmée, alors j'espère qu'on va pouvoir passer quelques chansons, bien sûr, forcément. Faut pas qu'on soit trop bavard, quoi. Mais c'est vrai que même cette chanson-là, Juliana, je l'ai mise parce que chez nous, les Gitans, y en a pas mal, j'ai même plusieurs qui ont adoré cette chanson-là, et le chanteur lui-même. Que j'adorais. Ah oui, oui. Ça a été Franck Michael. Alors Franck Michael, ça, c'est pareil, ça, c'est un beau chanteur aussi. Hein. Très bon chanteur. Très bon chanteur, oui. Et puis Claude Michel, alors par exemple, donc, qui a chanté Juliana, hein, c'est ça, c'est un artiste belge qui vient de Belgique, Claude Michel. Oui, c'est un belge. C'est ça, ouais, belge. Ouais. Tu as eu l'occasion de le rencontrer ou... Non, mais j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien, oui. D'accord. Alors, si tu veux bien, Saïd, on va écouter justement cette chanson-là. On vient d'en parler. Eh bien, allons-y. On va l'écouter et puis on en reparle après. Il n'y a pas de problème. On écoute Juliana. Voilà, tu es dans ses bras, t'es déjà, tu ne penses même plus à moi. Juliana, rappelle-moi les mots que tu me disais. Non, je ne peux pas croire que tu me mentais et que l'on ne se verra plus jamais. Juliana, pour toi je n'ai compté que quelques nuits, mais moi sans toi je ne sais plus qui je suis. Juliana, Juliana, cette ville avait vu naître notre amour, mais pourtant toi tu la quittes pour toujours. Tu l'effaces de ta mémoire, mais moi avec ton départ, tu as fait mourir ma plus belle histoire. Juliana, voilà, belle chanson. Très belle chanson. Ah oui, oui, j'aime beaucoup cette chanson-là. Voilà, là, je la redécouvre un petit peu. Alors, tu aimes bien toujours un petit peu remettre du rythme, Saïd, dans ces chansons. Bon, c'est vrai que quand on écoute celle de Claude Michel, elle est un petit peu, bien sûr, plus... Moi, je dirais plus lente, enfin, un petit peu plus... Plus sentimentale, oui. Oui, plus sentimentale, voilà, c'est ça. Mais donc, tu aimes bien remettre un petit peu de rythme, hein Ah, mais c'est pour ça que... en plus, ce sont de très belles chansons. Ah oui, oui, bien très sûr. Beaux textes. Oui, oui, c'est, ça. C'est pour ça que c'est bien de remettre au goût du jour. Comme ça, ceux qui ne les connaissent pas peuvent le découvrir. Et puis, et en plus, la plupart sur ces chansons-là, il y a eu des couples qui se sont fondés. Formés. Et... ouais. Oui. Bien sûr, oui. Formés, pardon, oui. Non mais c'est bien de faire ça parce que c'est vrai que t'aurais pris juste les reprises comme ça en les chantant en disant bon voilà comme à l'original. Oui. Bon ben c'est bien mais je veux dire voilà c'est, là ça donne c'est un peu ta personnalité quoi je veux dire tu les amènes voilà dans un autre. Ah oui tout à fait ah, bien. De toute façon, bon, j'ai en vue bon, un deuxième album un peu plus tard, parce que là, avec Dany Blondeau, justement, comme elle est ma parolière, elle m'a envoyé des titres que je suis en train de travailler dessus. Il y a mon petit frère de cœur, Tonio Thiago, qui est en train de me faire les musiques. Oui. Et là, je ferai des singles. Et après les singles, je veux referai encore un album de reprises et des chansons inédite, et dont il y en a une que j'aimerais vraiment d'un chanteur, soit un très grand chanteur gitan, qui est Tony Arenas. Ah, d'accord, je connais pas, mais bon. Très grand chanteur, ouais. Très grande voix. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu au téléphone hier soir, et j'ai pas pensé lui demander, mais il faut que je le recontacte pour lui demander s'il me donnerait la permission de reprendre une de ses chansons, lui, que j'adore, parce que je vous dis, c'est un très très grand chanteur. Oui, oui, d'accord, ok. Ah, oui. Alors, Dany nous écoute, hein. Dany est à l'antenne, enfin à l'antenne. Bonjour, Dany. Voilà, tu peux lui dire, elle nous fait un petit coucou, puis Dany, c'est une fidèle auditrice. Oui. Ah oui, c'est vrai que, voilà, ouais, on lui fait des bisous à Dany, puis elle est adorable aussi, elle. Alors, Saïd, donc, tu as été repéré plusieurs fois par des, je cite hein, sur ta bio, des grosses têtes, en particulier les tauliers de la maison de disques Carrère. Oui. Alors, c'est pas rien, Carrère, c'était... Hein, c'était les disques Carrère, ben voilà, oui. Ah oui, en plus, ça m'était arrivé bêtement. En fait, j'étais en vacances sur Marseille, avec mes frères, dont le papa Akenji, et je suis allé chanter dans un piano-bar. Et le patron du piano-bar était copain au directeur de la maison disque Carrère. Et je suis venu chanter pendant 3 jours, et au troisième jour... Il y a ce monsieur qui s'est présenté à moi, donc le directeur de la maison disque Carrère, et qui voulait me prendre à la canne de bière, le sujet justement se trouve exactement, et voulait, au bout de 15 jours, voulait me monter à Paris. D'accord. Mais comme mes frères partaient de Marseille pour ne pas rester tout seul à Marseille, je suis parti aussi, voilà. Oui. C'est pour ça que ça n'a pas abouti, sinon, pas... Bon, d'accord. Ça aurait abouti. Oui, donc c'était Claude Carrère, hein, c'était, je pense, le nom, c'était dans les années... Les années 90. Les années 90, d'accord, ok. Oui. Ok, parce que y avait moi je connaissais un Claude Carrère qui s'occupait de la carrière de Sheila, de Karen Cheryl, hein, qui tournait dans les années. Enfin, Sheila, bien sûr, c'était l'artiste yéyé, et puis après, bon, elle a continué, bien sûr, dans les années 70, après arrivé Karen Cheryl aussi. Oui. Une belle artiste aussi, Karen Cheryl, donc qui était disque Carrère, voilà. Et puis ensuite, alors donc aussi, tu as rencontré aussi Yvan Rebroff. Ah oui. Alors ça, c'est une grande voix, ça. Aussi. D'ailleurs, même à cette époque-là, j'étais chanteur dans un piano bar pendant 3 ans qui s'appelait le Marina à Bergerac. Oui. Et le guitariste qui était là et qui jouait au synthé, c'était Tony King, qui est de Montignac-sur-Vézère, qui était l'ancien guitariste des Rolling Stones. Ah ouais, ok. Oui, et après mon tour de chant, il y a, que Dieu repose son âme, depuis ce moment aujourd'hui, Bernadette qui m'appelle et qui me dit, viens voir, il y a un monsieur qui veut te voir. Mm-hmm. Et elle me dit, tu sais qui c'est? Moi, elle dit, c'est Yvan Rebroff, monsieur Yvan Rebroff. Voilà, donc j'ai discuté avec monsieur Yvan Rebroff et lui voulait me présenter, je suis Jacques Martin. D'accord, oui, Jacques Martin, oui, dans l'émission bien connue, hein. Oui. Ah oui, un grand monsieur, Yvan Rebroff, avec une voix, hein. Avec son accent russe, mais on comprenait quand même quelques mots français ce qu'il disait, mais on arrivait à le comprendre quand même. D'accord. Ouais. C'est des belles rencontres, ça. Hein. Et puis, très belles rencontres. Très belles rencontres, et puis des beaux souvenirs, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer aussi M. Laurent Voulzy, mais on n'a pas eu la chance de discuter ensemble. Ah oui, Laurent Voulzy, c'est ça, hein, tu me dis. Oui. Ah oui, Laurent Voulzy, oui, ça c'est bien aussi, Laurent Voulzy, avec le 1 hein, qui forme, enfin, le duo, enfin, qui travaille ensemble avec Alain Souchon, hein, bien sûr, qui ont travaillé chacun respectivement pour leur album, hein, c'est vrai, c'est deux grands musiciens, hein, reconnus et tout. C'est vrai, ben là, on était au bar Le Marina, on était assis à la même table avec Laurent Voulzy, mais comme je vous dis, on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble. Oui, bien sûr, ouais. Alors, Saïd, on va écouter une autre chanson. Oui, alors on va écouter la gitane. Hein, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. On écoute la gitane, puisque tu es dans ce contexte-là, enfin, je dirais, sous ta jeunesse et tout. Voilà, hein, cette belle chanson, donc, c'était une reprise de Félix Gray, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, d'accord. Alors, on écoute la gitane. Allez. enfant qui se fait. Que dit comme ça devant elle. Elle était tellement belle. Elle était tellement pour moi. Que je ne sais même pas si j'ai vu trembler mes doigts quand elle était là. Prêt à oublier ma peine, prêt à me couper les fers. Prêt à refaire la vie, prêt à refaire ma vie. Prêt à tuer les démons qui m'empêchent de la revoir. Et prêt à crier son nom toute ma vie dans le noir. Prêt à tourner ma tête au frappe. Un coup de tambour qui éclate. Un fou qui fait n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi. Pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant de roi pour qu'elle m'aime. Pour qu'elle m'aime. Faire casser des montagnes, à brûler la terre entière. À faire des mille ans de bagne, à vider l'eau de la mer. Pour la serrer contre moi. Ses doigts, au bout du souffle de sa voix, entendre qu'elle m'aimera. Comme un piano qui se casse, des notes écrasées par terre. Comme le feu sur la glace, l'avion qui explose en l'air. Je vendrai mon âme au diable, je viderai l'eau des rivières. Pour être seul à la table de l'amour qu'elle préfère. Que toute ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate, un coup qui fait n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête sur ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant le roi pour qu'elle m'aime. Un coup de tambour qui éclate, un fou qui sait n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête sous ma tête frappe. Un coup de tambour qui éclate, je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant le roi, pour qu'elle m'aime. Qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Ma tête sous ma tête frappe. Un coup de tambour qui éclate. Je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant le roi. Pour qu'elle m'aime. La Gitane, donc Saïd Maïlé, oui. Aujourd'hui sur les ondes de Radio Kémozo dans les années bonheur. Voilà Saïd, on vient d'écouter La Gitane. Qu'est-ce que je viens d'entendre ? Ouais. Une bonne chanson aussi, hein, donc voilà. Ah ouais, cette chanson-là, mais bon, c'est toujours des rêves comme on dit. Oui. J'adorerais la chanter avec Chico Lipsy sur scène. Ah, ouais. Ah oui, ben c'est sûr, oui, oui, c'est vrai que... J'adorerais la chanter avec eux. Ah oui, c'est rythmé... Et c'est vrai que Félix Rey, je pense qu'il avait fait un beau... Je sais plus si, qui c'est qui lui avait écrit, je sais pas, c'est pas Didier Barbelivien qui lui avait écrit ou... Parce qu'ils ont, ils ont travaillé tous les deux, tu sais, tu te souviens ? Ils ont collaboré, oui, tous les deux. Tous oui, les deux, hein, Félix Rey et Didier Barbelivien, bah, notamment sur leur duo très connu, Toutes les filles qu'on a aimées avant. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était un beau duo aussi. Et franchement, tous les deux, ils allaient bien ensemble parce que... Ah oui ? Ils étaient simples, mais vraiment de bons artistes. Ah oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Puis Didier Barbelivien aussi, bah, j'ai eu l'occasion de l'avoir en radio. Quelqu'un de très très très sympa, parce que c'est un grand artiste, un grand auteur-compositeur. Hein, il écrit pour de nombreux, de très très nombreux artistes, et pour des grands artistes. Et c'est vrai que, mais c'est ça, il reste quand même des gens abordables. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ça ouais, qui est bien. C'est vrai, ça qui est vraiment hein. bien. Mmh. Ça, c'est primordial. Alors j'ai Dani qui vient de m'appeler là, tu vois. Oui. Elle vient de m'appeler sur mon smartphone parce qu'il est à côté. Je regarde s'il y a des petits messages, tu vois. Mmh. Et puis bon, bah, bon là, on peut pas la prendre en antenne puisque voilà, on a la ligne qui est occupée, hein, puisque voilà, on est avec toi. Oui, mais d'accord. Bon, elle nous fait un petit coucou, elle nous fait des bisous. Hein, voilà ce qu'elle vient de me dire encore. Bisous retournés. Voilà. Alors je voulais te dire aussi, donc sur la publication, il y a eu plus de 180 personnes qui ont liké la publication. Hein, que j'avais mis donc sur Facebook, sur le Facebook, tu as dû voir sur ma page, dans la page officielle, et puis que tu as repartagé aussi, bien sûr. Hein. Oui, mais je remercie cette personne-là. Voilà, tous ces gens-là là, qui ont liké la page, hein, voilà, c'est bien. Oui, c'est bien. Il y a des gens bon, qui suivent, il y a des gens qui sont intéressés, il y a voilà, qui bien ça sûr. Fait plaisir, à qui ça redonne du boum au cœur. Ah, bah tout à fait, oui, puis je. Je crois que tu es quelqu'un aussi qui aime bien faire plaisir, hein, si je comprends bien, de faire plaisir hein, aux gens en chantant, oui. Hein, c'est du bonheur, ça, c'est vrai que... Ah, bah, mais, si vous voulez, mon papa était comme ça, il n'aimait même pas voir les gens dans la tristesse, il aimait bien voir les gens quand ils étaient dans la gaieté, quand il y avait la joie. Oui. Mm-hmm. Voilà, et moi je suis comme ça, j'aime bien voir les gens, ne pas voir les gens tristes, ça, parce que s'ils sont tristes, ça me rend triste aussi, puis... Si je peux leur rendre le plaisir d'avoir la joie une journée ou ne serait-ce le temps d'une chanson, d'avoir ce bonheur-là, d'avoir un peu la gaieté, oui. C'est avec honneur que je fais ça. Bien sûr. Donc un grand cœur aussi, Saïd, hein, je sens ça. Je sens oui, aussi oui, oui. Un grand cœur. Hein. Oui. C'est vrai. Ouais. Alors on va écouter cette chanson-là. Donc c'est une chanson-là que tu as écrite hein, pour ton papa. Mm-hmm. Hein, on va l'écouter. D'accord. Oui, merci. Parce que ce serait dommage, enfin je veux dire, voilà, bon, on a encore le temps, hein, mais ça serait dommage de ne pas écouter cette belle chanson pour ton papa. Donc, et puis en plus, en même temps, si mon album prend un peu ce nom-là, Renaissance, c'est surtout pour rendre hommage à mon papa, et c'est du rendre hommage. Bien sûr, bien sûr. Donc on écoute C'est si dur, papa. Merci. C'est si dur, papa, d'avancer sans toi, que tu me mens, le temps est si long, et tous les jours, je te vois partout, dans ce village, où tu chantais. Avancer sans toi, tu n'es plus là et tu me manques. Oui, tu me manques, papa. figure le passé devant ce petit bar où tu allais boire un verre avec ta bien-aimée. Et tous les deux, vous étiez si heureux. On a tant de chagrin, c'est un amour sans fin. Tu restes notre idole, sans toi plus rien n'est drôle. Trop de souvenirs nous rappellent ton sourire, nous rappellent ton sourire. Papa dans mes veines. Voilà, c'est si dur, papa, une très belle chanson, Saïd. Oui, oui. Oui, c'est. Et il y a un passage parlé, ça donne des frissons, je dirais. Hein, quand il y a un passage parlé comme ça dans une chanson. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Une chanson triste, bien sûr, mais une belle chanson. Voilà, comme tu disais, qui est un hommage à ton papa. Oui, justement, je remercie mon frère de cœur, comme j'expliquais tout à l'heure, Tonio Thiago. Oui. C'est lui qui m'accompagne à la guitare derrière, c'est lui qui fait le chœur derrière. Ah d'accord, ok. Et qui m'a offert le studio avec son Provence, oui, pour pouvoir enregistrer cette chanson. Enregistrer, d'accord, ouais, ok. Oui. Alors cet album Renaissance, Saïd, ça fait combien de temps que tu l'as sorti? Parce que bon, je découvre, hein, moi, puis c'est toujours un plaisir de découvrir. Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas trop longtemps, ouais. Au mois de décembre. D'accord. Oui. Ah oui, d'accord, ok, c'est tout récent alors. Oui, tout récent. Mm-hmm. Alors tu le défends, je dirais, sur tu fais des scènes, tu le fais découvrir sur des prestations. Oui. Eh bien, là, je suis allé faire une soirée devant 3500 personnes qui est dans le département 23. Ouais. J'ai chanté quasiment pas tout l'album, mais pas mal de titres qui sont sur l'album. D'accord. Là, le 10 mars, je dois aller chanter à Ozoul-les-Béziers, avec M. Christian Delagrange, M. Richie. Ah oui, d'accord. À Johnny. Ouais. Alors ouais, là, on va passer de bons moments. Bien sûr, oui, et puis Christian Delagrange est très sympathique. D'accord. Mais ça sera une occasion pour moi de le voir pour la première fois, parce que en étant petit, j'écoutais ses chansons. Ah ben bien sûr, oui. Même encore, et encore, ouais. Là, moi, ça m'aurait une occasion de le voir vraiment, lui parler, quoi, être en face de lui. Ah ben bien sûr, oui. Moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir en radio, et puis je l'ai rencontré aussi de visu. Hein, c'est quelqu'un de très sympa, et aussi quelqu'un de très de cœur aussi. Puisqu'il il fait beaucoup pour une association HI, c'est une association humanitaire internationale. Bien. Voilà, il fait beaucoup de concerts aussi pour cette belle association pour des enfants d'Afrique, si je me trompe pas, voilà. Oui, mais moi aussi, j'ai fait aussi ça, pas mal de Téléthon, pour le cancer du sein de la femme, au Festival du Soleil, et ça se déroulait à Neuvik. Pendant 3 années, j'étais présent sur scène pour récolter des fonds pour les enfants d'Haïti. Là, ça fait la 3e fois que je vais dans le 34, justement, pour la bonne cause, et pour une petite fille, Sacha, qui est handicapée depuis sa naissance. Oui, d'accord. Et donc, c'est pour elle que je vais... là-bas aussi. D'accord. Ouais, c'est bien. C'est vrai que heureusement qu'il y a des artistes, hein, comme ça qui font de belles choses comme ça, pour que ça soit pour l'enfance, que ça soit pour d'autres causes. Hein. Oh oui, mais C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que moi, mon plaisir, ce serait même d'aller chanter dans les hôpitaux, d'aller faire des soirées pour des personnes qui ne peuvent pas venir dans un concert, aller chanter pour ces gens-là. Qui ne peuvent pas se déplacer. Hein. Voilà, c'est ça. Leur donner un peu de bonheur, quoi. Un peu de bonheur, ouais, c'est vrai que quand on a, je dis souvent, hein, quand on a des soucis plus ou moins importants, on va voir un artiste, on entend des belles chansons et on en ressort du concert avec le cœur un petit peu plus. Voilà, ça fait du bien. Ah, mais c'est vrai. Moi, je suis allé voir des artistes, je suis allé voir des groupes et en sortant de la soirée, je continue à chanter parce que ça m'avait mis l'ambiance, ça m'avait mis le. La pêche. Vous avez mis la pêche, c'est vrai. Ah ouais, ouais. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Ça y est, est-ce que je peux me permettre une petite blagounette? Oui. Parce que bon, j'aime bien dans mon émission mettre un petit peu d'humour, et puis voilà, bon, on est sérieux quand même. Hein. Ah oui, mais pas de soucis. On va écouter encore d'autres chansons, mais je veux dire, je vais te demander, est-ce que tu sais pourquoi les Gypsy Kings, ils chantent toujours, tu sais, la guitare avec le manche toujours assez levé? Peut-être que tu la connais. Un peu plus de son à la guitare. Non, c'est parce que s'ils avaient la guitare un petit peu plus, je veux dire, plus droite, ils ne pourraient pas rentrer dans la caravane. Bien vu. Non, voilà, je me moque pas, Saïd. Hein. Non, tu sais, les années bonheur, bon, c'est les années aussi avec un petit peu d'humour. J'aime bien mettre un petit peu d'humour dans mes émissions. Voilà. Mais il faut. On est tous les deux. Non, on n'est pas que tous les deux. Il y a les auditeurs, les auditrices. Mais c'est comme si on était dans un salon, tu sais, des fois quand on se sent bien, tout. C'est comme si on était dans un salon, puis on partage. Voilà, on partage de belles choses, et puis la musique, bien sûr. Ah, mais c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis cette petite blague. C'est pas méchant. Vous avez bien fait. Et je passe le bonjour à tous les auditeurs et auditrices. D'accord, ok. Le message est passé. Le message est passé. Alors, on va écouter une autre chanson. Alors là, c'est une très belle chanson aussi. Oui. Donc, Unchained Melody. Oui. C'est du film Ghost. Tout à fait. Alors, on l'écoute, et puis donc, on en reparle, ok? Il n'y a pas de problème. Oh, my love, my darling, I found goodbye, your touch, oh, long me time. When for me to end up and all, when for me. One Chain Night, Melody Said. Alors là, une grande chanson, hein. Ah oui. Et bravo, bravo à vous. Je dirais, c'est peut-être un peu péjoratif, mais de s'attaquer à une chanson comme ça, c'est pas évident. Elle est pas évidente à chanter. Hein, parce que je veux dire, sur toute la chanson, hein, sur la fin, il y a la voix à monter. C'est pas évident. Elle est pas évidente. Ah cette oui, chanson-là, je l'ai chantée pour de Miss Prestige dans un hôtel Mercure Angoulême, et il y avait Gérard Vivès qui était avec moi dans cette soirée. D'accord, ouais. Non mais bravo à vous quand même, hein, parce que je veux dire, chanter cette chanson. Mais vous pouvez me tutoyer. Oui, c'est on se tutoie. Non parce que je fais plusieurs choses à la fois, parce que voilà, j'ai un petit message à te livrer, Saïd. Oui. C'est de la part donc de Patrice Chandelpech. Mm-hmm. Il me met, on t'écoute mon cousin, bise Patrice et Isa. Ah oui. Oui, ça te dit. Ça te parle. On fait des énormes bisous, le Limousin. D'accord, parce que voilà, j'ai marqué que je transmettrai à l'antenne. Hein. Ah oui, moi aussi, cousin, cousin, je vous fais de gros bisous, d'énormes bisous. D'accord, parce qu'il me dit, je suis le sosie de Michel Delpech. Ah oui, bien, un très très bon chanteur, et vraiment, il donne un concert dans pas longtemps, j'ai partagé d'ailleurs l'affiche sur Facebook, oui. À l'écouter, parce que vraiment, c'est même... On se croirait à entendre Delpech carrément. Ah d'accord, ouais. Ah oui, oui. Ah ouais, j'aimerais bien l'entendre. J'aime toujours Michel Delpech. Et c'est vrai qu'il avait des superbes chansons, Michel Delpech. Hein, Ah mais c'est vrai. Lui, vraiment, il rend honneur à Delpech. Ah oui. D'accord. Donc sa voix, il a une tessiture de voix qui est proche de celle de Michel Delpech. Ah oui. D'accord. Tout à fait. Ok. Okay. Il faudra que j'aille faire un petit tour sur le Facebook, hein, pour voir ça. Enfin, je sais pas si... On verra. Oui, moi, ouais, j'ai partagé l'affiche, t'as deux ou trois concerts ouais. Qu'il doit faire, là, et puis vraiment à écouter, parce que et il mérite en plus, parce que très franchement... D'accord, moi j'irai voir, c'est vrai que... Parce que j'aime beaucoup Michel Delpech, j'aime bien. Alors, ça y est, bon, il y a ce CD, là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. D'accord. Donc, il y a des projets aussi. Si je lis hein, sur ta bio, tu travailles actuellement sur beaucoup de projets, dont le profil musical, musique Regazouk. Regazouk, oui. Gypsyzouk, oui. C'est ça. Mmh. Ouais. Oui. Alors ça, c'est des futures chansons. Oui, futures chansons que je vais composer moi-même. D'accord. Mais bon, une chanson, c'est très dur à trouver des paroles, ça prend du temps, faut vraiment oui. Faut que ça plaise. En même temps, il n'y a pas que au chanteur qui doit la chanter, mais il faut que ça plaise aussi au public, aux gens qui vont écouter. Ah oui, bien sûr, ouais. Voilà, c'est un tout. Et c'est pour ça que moi, dans mon choix musical, je fais un peu tout style pour plaire à tout le monde. Pour que ça plaise à tout le monde. Oui. Bah, c'est vrai que bon, toutes ces chansons, enfin, que l'on retrouve sur ton album Renaissance, je veux dire, bon. C'est des chansons qui sont bien connues et le public, je pense, adhère à ces chansons-là. Oh oui. Hein, c'est vrai, hein, c'est... Puis c'est rythmé, on sent, bon voilà, il y a le soleil. Oh hein, oui, c'est... parce que la plupart, c'est vrai, les gens ne peuvent pas dire non, c'est trop ringard. Non, justement, ça met du soleil, ça met de... Il y a l'ambiance, on a envie de danser dessus. Bien sûr, et puis ça reste toujours d'actualité, ces chansons-là. Toujours. On ne les oublie pas, c'est vrai. Ah c'est, non, non. C'est comme là, avec Dany, justement... Je lui ai demandé le jour du décès à Johnny si elle pouvait m'envoyer des paroles pour rendre hommage à notre idole, le roi français d'ailleurs, Johnny Hallyday. Ah oui. Et elle m'a envoyé des paroles d'une chanson. Et cette chanson-là, parce que des idoles comme ça, on ne peut pas les oublier. Ils ne meurent jamais, ils sont toujours présents. Ah ça c'est sûr que bon, Johnny c'était quand même le grand. C'était le roi français. Faisait l'Elvis Presley français quoi. Hein. Mais tout à fait, français. Ah, de toute façon, il y a très longtemps de ça, il y a plus de 10 ans de ça, j'ai toujours dit, le jour que Johnny disparaîtra, c'est comme l'Amérique quand ils ont perdu Elvis Presley. Oui, bien sûr. Ça fera pareil pour la France. Ah oui. Johnny, c'est pour un monument, c'est... C'est vrai, ça c'est irremplaçable, hein, Johnny, hein, c'est vrai que... Voilà, hein, c'est... Tout à fait. Mmh. Alors, je propose, Saïd, qu'on écoute encore une chanson. Mm-hmm. Là, on va partir un petit peu, je pense, un petit peu plus vers l'Italie. Oui. Hein, avec Baila Baila. C'est ça. Une reprise de Francesco Napoli. Tout à fait. Là, c'était un medley italien, donc c'est, là aussi, c'est pas mal. J'aime bien. Voilà. J'aime bien le rythme. Tout à fait, c'est bien, mais on écoute. Voilà. Merci. Quella raga mi assomiglia più io. E solo quando quando volare chi sarà. Canta assieme a me. Come prima, più di prima, dalmelo. Bella dimmi, la mia dimmi, ti darò. Se tu non vorrai, prenderai. Andiamo, andiamo, quanto carica il sole qui sulla spiaggia. Tengo il tuo volto vibrante accanto a me. Quella lacrima sul viso, perché a amore, questa bella che sto sente per te, in un mondo che te. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà per la mia vita, chi lo sa. Forse tutto, forse niente, per domani si vedrà. Che sarà, che sarà, perché sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà per la mia vita, chi lo sa. Forse tutto, forse niente, per domani si vedrà. Che sarà, che sarà, perché sarà. E azzurro, per come li sei tu un po' in su, poi lungo. Senza di te. E allora io quasi quasi prenderei noi vendo del cola tre. Volare, oh, cantare, oh, bello, il pintore blu, felice di stare lassù. Dimmi quando troverai, dimmi quando, quando, quando la fortuna perderà qui, forse tu mi bacerai. Voilà, baila, baila, Saïd. Mm-hmm. Voilà, encore du rythme. Hein. Ah oui. Alors, on a pu écouter quand même 6 chansons. D'accord, ça passe vite quand même. Ah, ça passe vite quand même, une heure. Ah, oui. C'est vrai que, mais on refera quelque chose ensemble. Avec grand plaisir. On refera quelque chose ensemble, puisque bon, il va y avoir des nouvelles choses, du collaboration avec Dany. Oui. Dany Blondeau, bien sûr. Hein, voilà. Donc, on fera une émission ensemble. Hein, On restera en contact et bien sûr on fera avec des nouvelles chansons, puis peut-être on reprendra encore, bon il y en avait encore d'autres belles à passer, hein. C'est vrai que le géant de papier notamment, hein, Jean-Jacques Lafont, c'est une belle chanson aussi, hein. Très belle chanson, hein. Mais par contre pour les singles, il y a vraiment de très beaux titres qui sont en cours, et oui, quand ils vont sortir ça va vraiment bouger. D'accord, ok. Ah, oui. De toute façon, on reste en contact. Oh, oui. On reste en contact et puis tu me feras. Oui, tu me feras signe. Voilà. Ben écoute, Saïd, moi je te remercie. Voilà pour ta présence sur nos ondes après-midi. C'est moi qui vous remercie. On a passé, je pense, un bon moment. C'est vrai que ça fait court, une heure, mais la prochaine fois, on fera un format plus long. Hein. On fera un format plus long pour les prochaines, pour les nouveautés. D'accord, et tout d'accord. Ça. D'accord. Moi, ben, je te souhaite plein de bonnes choses. Hein, c'est gentil. Et puis de succès pour cet album. C'est gentil. Voilà, et à puis toi. Plein de bonheur, voilà. Et puis on se retrouve bientôt. Avec grand plaisir. On fait comme ça ? Il n'y a pas de problème. Merci Saïd. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Par contre. Voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine. Il est 17h sur les ondes de Radio Yemozo. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures musicales. Bye bye à tous. Merci Marc pour la technique. Voilà, au revoir. La vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux?